C'est le matin, très tôt, le dimanche de Pâques de l'année 30. La terre tremble, les rochers se fendent. La pierre qu'on a mise à l'entrée du tombeau de Christ a été roulée. Le Seigneur triomphe de la mort. Ressuscité, il se montre d'abord aux femmes venues apporter des parfums à la tombe, puis aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et enfin, ce même jour encore, aux 11 assemblés dans la chambre haute à Jérusalem. L'évangile selon Luc mentionne aussi qu'en ce premier jour de la résurrection, le Seigneur est apparu personnellement à Pierre, Luc 24, 34, ce que l'apôtre Paul confirmera d'ailleurs dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5. Nous ignorons tout de la teneur de cet entretien, mais nous pouvons bien penser que Pierre a dû apprécier ce moment de tête-à-tête avec Jésus. N'avait-il pas à cœur de lui faire part de son repentir après son reniement, et aussi de lui dire sa reconnaissance pour le pardon qui lui avait été accordé grâce aux souffrances expiatoires de Jésus à la croix? Cependant, Jésus voulait encore aller plus loin et plus profond avec Pierre. Mais il ne pouvait pas tout dire à la fois, car il est des expériences profondes qui demandent plus de temps. Ce n'est que quelques semaines plus tard que Jésus aura un nouvel entretien avec son disciple, un entretien que seul l'évangile selon Jean nous raconte. Je vous invite, chers amis à l'écoute, à lire avec nous dans Jean, chapitre 21. Ce chapitre laisse d'abord entrevoir le désarroi de sept disciples désœuvrés, je dirais décontenancés par l'absence de leur Seigneur. Pendant 3 ans, Jésus les avait conduits partout, et soudain, ils n'ont plus leur chef avec eux. Alors, parce qu'il fallait bien faire quelque chose, Pierre a pris une initiative. Et comme toujours, quand Pierre décide, les autres suivent. Lisons donc Jean 21, versets 3 à 6. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Les disciples ont observé cet inconnu sur le rivage. Ils n'ont pas tout de suite reconnu Jésus. Néanmoins, ils ont suivi son conseil. Ils ont jeté le filet du côté droit de la barque et le miracle s'est produit. Une pêche exceptionnelle, sans précédent, puisque 153 grands poissons ont été pris dans le filet. Jésus attend donc ses disciples sur le rivage, où il leur a préparé le petit déjeuner. C'est encore une preuve de sa sollicitude à leur égard. Mais il ne veut pas s'occuper seulement de leurs besoins matériels, il désire s'occuper de leur âme, et tout particulièrement de celle de Pierre. Aussi lui pose-t-il une question très simple, mais si importante qu'il la répétera 3 fois. Le Seigneur sait que, de la réponse à cette question, dépend toute la carrière de Simon-Pierre. Verset 15. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Avant la crucifixion de Jésus, Pierre croyait qu'il aimait son Seigneur, ce qui lui avait fait dire un peu prématurément « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Jean 13, 37. Mais après la triste expérience du reniement, Pierre n'ose plus promettre sans réfléchir. Il se connaît mieux lui-même et il pèse ses mots. C'est pourquoi il n'est pas trop pressé de répondre à la question de Jésus. C'est comme s'il n'osait pas s'engager aussi loin que son maître le lui demande. Il vaut la peine ici de nous pencher sur une nuance du texte original qui nous permettra d'apprécier ce qui se passait dans le cœur de Pierre. Dans le grec, qui est une langue beaucoup plus riche que les langues modernes, 2 verbes expriment celui que nous traduisons par « aimer »,« agapao » et « phileo ». Or, « agapao » a un sens beaucoup plus fort que « phileo ».« Phileo » veut dire simplement « avoir de l'affection », tandis que « agapao » signifie « aimer profondément ». En Jean 21, versets 15 à 16, le Seigneur pose 2 fois la question « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu profondément ?» Agapao. Mais Pierre, craignant d'affirmer prématurément ce qu'il n'est pas capable d'accomplir, se borne à répondre « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Philéo. Dialogue pathétique entre un disciple qui s'exprime prudemment, parce qu'il n'est pas sûr de tenir, et un maître qui aime son disciple sans réserve, souverainement et inconditionnellement. Toutefois, le Seigneur a compris cette timide démarche de Pierre. Il semble même qu'il l'approuve. Preuve en est le verset 17, où cette fois, Jésus emploie à son tour le verbe « philéo » que Pierre a utilisé à deux reprises. « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois « As-tu de l'affection pour moi ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Jésus lui dit « Paix mes brebis. » Pierre éprouve une grande affection pour son maître, et cette affection, il aimerait la lui prouver. Mais il sait très bien qu'il n'en est pas encore à cet amour profond, un amour profond qui lui permettra de servir son maître de manière efficace. Et le Seigneur sait que tout le service futur de Pierre dépendra de sa relation d'amour avec lui. Pierre l'a renié trois fois, c'est pourquoi Jésus pose trois fois à Pierre la question « M'aimes-tu ?» Puis il lui dit à trois reprises « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Sans doute, chers auditeurs, avez-vous déjà vu un berger portant un petit agneau dans ses bras? C'est une démonstration d'amour. Plus, c'est une illustration de l'amour, du dévouement et des tendres soins du Seigneur pour nous. Eh bien, c'est comme si le Seigneur avait voulu présenter ce tableau à Pierre lors de son entretien avec lui en Jean chapitre 21. Une scène qui a marqué toute la vie de Pierre, car pendant toute sa carrière, il s'inspirera de l'exemple laissé par le divin berger, ce berger qui a tant aimé ses brebis qu'il a donné sa vie pour elles. C'est ce qu'indique l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 11. Et comme Pierre s'est laissé pénétrer de cet exemple, il en transmettra le message. Tout à la fin de sa carrière, il écrira à ceux qui servent le Seigneur comme berger. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 1er Épître de Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Chers amis, ne distinguez-vous pas dans les exhortations de ce conducteur spirituel mûri par l'expérience les empreintes profondes de sa rencontre avec le Seigneur dans Jean chapitre 21? Impossible de paître les brebis sans les aimer. Pierre, m'aimes-tu? Alors, paie mes agneaux. Lorsque Pierre a écrit ses épîtres, il avait déjà parcouru un long chemin depuis son entretien avec le Seigneur sur les rives du lac de Tibériade. À l'époque, il n'avait pu parler que d'affection pour son maître. Mais ensuite, le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer le Seigneur. N'est-il pas écrit? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Et c'est le Saint-Esprit qui a rempli Pierre jusqu'au bout de sa course et lui a permis d'accomplir sa mission dans un esprit de renoncement et d'amour. Un amour qui le conduira jusqu'au martyr, si l'on admet ce que la tradition nous rapporte à ce sujet. Or, dans l'entretien pathétique de Jésus avec Pierre au bord de la mer, Jésus avait comme prévu le moment où Pierre l'aimerait suffisamment pour le suivre jusqu'au martyr. Nous lisons Jean 21, versets 18 à 19, c'est Jésus qui parle. « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre a suivi Jésus. Il l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et parce que Pierre s'est livré à Jésus, il a été extraordinairement employé pour propager le message de l'Évangile. Nous le verrons lors de notre prochaine causerie sur la vie de Pierre. Pour l'instant, je reviens encore à cette scène de Jean chapitre 21. Le Seigneur avait aussi demandé à Pierre, verset 15, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Pierre aurait préféré que Jésus s'adresse aussi aux autres disciples plutôt qu'à lui tout seul. À un moment donné, il a même voulu détourner l'attention du Seigneur en lui demandant ce qu'il adviendrait de Jean. Mais Jésus a ramené la conversation à Pierre en lui disant, verset 22, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Suivre Jésus, c'est une question d'amour. Chers amis à l'écoute, aimez-vous assez le Seigneur pour répondre à votre tour ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Que vous importent alors vos amis, votre entourage, votre famille, si vous avez à choisir entre le Seigneur et eux ? Que t'importe, toi, suis-moi. Suivons donc Jésus par amour, comme Pierre. Suivons-le de tout notre cœur. Suivons-le sur le chemin des renoncements, quel chemin de la croix. Prouvons à Jésus notre amour en lui livrant notre vie. Alors, il sera glorifié comme il a été glorifié par la vie de l'apôtre Pierre.